les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone, Jean-Philippe Boisbriand fait le choix musical et s'amuse avec la console, tout en portant un chapeau. Aujourd'hui, une émission qualifiée d'éclectique par Jean-Philippe lui-même. Je commence par un groupe qui s'appelle les Beatles. Et ensuite, il y a du Tamaga, par exemple, du Dollarfish. On continue avec du Raymond Scott et toutes sortes de choses. Ensuite, on s'en va dans le désert. Puis après, on se promène de Saigon à la Hongrie. En passant par où? En passant par, par ailleurs. No one else can make you change. sonnet to a pop singer. This preamplified pseudo star, loudly hung in his plastic sky, yowls his litany to the hollow mob. What life and love can be, his scorn-curled lips outmoan. His cliches, sung in the cellar cave, are loud with a bang of drum and pumping, pumping beat. What things could be, these decibels dump on the gang and me, and we dance through the smoke, our thoughts far above. Though these cold notes crawl flat in boredom's march, they lull our minds like waves from some loud sea, filling the void of the years unlived. We thus forget the future, hid neath fear's broad-shouldered arch, our petty, puny worlds that none save us can see, and beat and dance and music will not leave us. Thank you.

C'est une fille de 15 ans. On dit qu'elle en est malheureuse. Son père l'a mise dans une tour pour la priver de ses amours. Son cher amant s'en va la voir, baissant les yeux, versant des larmes. Si je pouvais trouver la tour, j'irais vous voir la nuit, le jour. Cher amant, si tu veux venir, je mettrai flambeau pour enseigne. Tant que le flambeau brûlera, le bel amour ne finira. Le bel amant s'est embarqué parmi les eaux, parmi les ondes. Mais dès qu'il fut sur le vaisseau, s'en est allé au fond de l'eau. Et qu'il fut au matin jour, la belle regarde à sa fenêtre. Regarde en haut, regarde en bas, vois son amant qui est au trépas. Si j'avais mes ciseaux d'argent, je m'en percerais d'une veine. Et je ferais couler mon sang pour donner vie à mon amant. Je m'en irais parmi les champs, je ferais corps. Ouais, mais ça commençait comme ça, les échangeurs d'air, pour cette semaine, avec d'abord Within You, Without You, un remix de 2017, c'est un groupe qui s'appelle The Beatles, sur un album qui s'appelle Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 67. Je n'ai pas trouvé d'autres informations sur ce groupe sur Internet, mais ça arrive parfois lorsque des groupes n'ont pas fait quelque chose depuis longtemps. Et qui ont été avant Internet, comme ça. Alors, si vous allez sur Wikipédia, par exemple, c'est probablement un des articles les plus longs qui existent sur les Beatles. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais là, j'en dirai pas trop. The Focus Group nous faisait The Pseudo Star sur Stop Motion Happening de 2017. The Focus Group, oui, qui a été fondé par Julian House. Puis The Focus Groups, c'est un des groupes que j'ai eu le plus de difficulté à trouver sur Internet il y a quelques années à cause du nom Focus Group. Surtout qu'à un moment donné, ils ont travaillé aussi avec Broadcast. Puis Broadcast, ils ont de beaux mettre musique, groupe, quoi que ce soit, c'est vraiment des noms qui nous permettent de ne pas trouver. Maintenant, on est capable de trouver un peu plus, mais il y a quelques années, ça pouvait être assez drôle. Tomaga nous faisait Microns and Amber Light sur Familiar Obstacles de 2015. Tomaga, oui, où est-ce que vous êtes? Voilà, ici. Tom Rolin et Valentina Magaletti. Tom Rolin qui fait tous les sons, comme ça, et Valentina Magaletti qui fait les percussions, les rythmes, et tout ça. Puis c'est, on pourrait qualifier d'expérimental. Oui, on pourrait facilement même. Et d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire. Dauerfish nous faisait Im Haus der Alunglossen sur un album qui s'appelle Crime of the Century de 1999. Vous avez peut-être entendu justement une partie, un petit sampling de Genesis qui sortait de là. Non, Jean-Philippe, The Supertramp, excusez-moi, j'ai dit Genesis, hein? Oui, j'ai dit Genesis, The Supertramp qui sortait de là, oui, voilà, Jean-Philippe m'a repris tout de suite, oui, parce que effectivement, ce n'est pas le même groupe, pas tout à fait, il y en a un qui est venu à Québec plus souvent que l'autre, j'ai réussi à me mêler grâce à ça. Alors, le groupe est composé, voilà, de Hakim Treu, dit Kunstler Treu, et André Abshagen. Puis on entend plus souvent parler de Kunstler Treu, qu'on a mis quand même régulièrement, qui est un habitué de l'émission. Classy Penguin de The Books sur un album qui s'appelle Music for a French Elevator and Other Oddities de 2006. Oddities qui signifie bizarrerie. Et dans ce cas-ci, on avait vraiment un hommage à Penguin Café par ce duo new-yorkais au départ de Nick Zamuto et Paul DeYoung. C'est un hommage bien senti. On est sûr que, effectivement, c'est un hommage à Penguin Café. Le flambeau d'amour, c'était Héloïse Decaze et Éric Chenot sur La Bride de 2017. Un très drôle de truc, parce qu'on a une chanson d'un genre médiéval et la guitare avec tous les effets reproduit un peu cette idée de bourdon, de résonance, tout ça qu'on retrouve dans la musique médiévale. Et Héloïse Decaze qui était dans Alte et Éric Chenot, le guitariste canadien, au départ, mais de où? En fait, on sait qu'il a été à Toronto longtemps et maintenant il est à Paris depuis 2011. Raymond Scott terminait le bloc avec Portofino, un truc tiré de Manhattan Research Inc. Du compilation Paris en 2000. Et Raymond Scott, ben, c'est un genre de génie de l'invention, de la musique, autant de la composition. Il a inventé des trucs comme le clavivox. Il a inventé aussi, je cherche son bon, il a inventé des synthétiseurs, puis il y a... Bon, je ne trouve plus le nom de son autre truc, mais je vais le retrouver très bientôt. Et on continue. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la يتفلي كرم باني تهوضا ويني هباهو يتفلي

pendant que Laurent Petit-Girard nous fait Mr. Green Jeans. Nous sommes allés faire un tour dans le désert aux échangeurs d'air. Nous avons commencé d'abord avec une pièce qui s'appelle Mozawi Swiri de Oussam Gania sur l'album Mozawi Swiri de 2019. Oussam Gania qui joue du gimbri et qui chante aussi. Et c'est le fils d'un musicien fort connu que vous connaissez peut-être pas, Malim Mahmoud Gania. C'est le plus jeune fils de ce musicien-là. Et il y a beaucoup de traditions, beaucoup d'endroits en Afrique de se passer la musique de père en fils, de mère en fille, de père en fille, etc. comme ça. Ce qui est l'exemple qu'on retrouve, c'est Nouramit Semali, qui nous faisait la pièce suivante, Glana, sur l'album Arbina de 2016, elle-même. Si on regarde ça, sa grand-mère est une chanteuse, sa belle-mère, Dimi Mind Abba, est également une personnalité musicale. Son père, Semali, est un compositeur. Sa belle-mère, Dimi, est surnommée la Diva du désert, puis elle a commencé à 13 ans à se promener avec sa famille, comme ça. Elle joue de la hardine, qui est un instrument à cordes traditionnel, et elle chante aussi. Et c'est très bon. C'est très très bon même. Terakaf nous faisait Karambani sur l'album Alone de 2015. Terakaf, c'est un groupe que... Bon, le nom signifie de la caravane en tamashek. Et c'est un groupe de blues touareg là, qui fait partie du même mouvement musical que les Tinariwen. Tellement, en fait, qu'ils jouent en concert parfois ensemble. Puis le leader de Terakaf, Kedou Assad, et le guitariste Diara ont perçu l'enregistrement du tout premier album de Tinariwen. Et il y a d'autres liens encore comme ça entre les deux groupes. Puis ils se promènent un petit peu partout, mais ça va de Bongoland à Bamako et à Angoulême, par exemple. C'est ça aussi très bon. Ça faisait longtemps qu'on avait eu un bloc de ce genre-là à l'émission, quand même, ça faisait un petit temps et ça vaut la peine. Kaman Taranin, c'est une pièce de Mdou Mokhtar qui est sur un album qui s'appelle Mdou Mokhtar Blue Stage Session. Et on retrouve chez un jeu plus électrique, disons, chez notre ami. Chez notre ami Mokhtar. En fait, c'est un des premiers qui s'est amusé comme ça à mettre faire des adaptations électroniques modernes de morceaux de guitare berbère. Puis, c'est assez amusant parce que sa musique s'est d'abord diffusée grâce aux échanges de cartes mémoire et via le téléphone portable, pratiquant d'Afrique de l'Ouest. Et il y aurait toute une histoire à faire sur l'arrivée du téléphone portable dans beaucoup de pays d'Afrique qui a énormément simplifié beaucoup d'échanges parce que le réseau téléphonique habituel était vraiment de qualité, disons, modeste, et ça a permis de faire des transactions, d'être en contact, dans ce cas-ci, de diffuser de la musique, et ça a été une évolution rapide. C'est ça qui a permis énormément de communication. Alors, ici, on s'en plaint d'une certaine façon parce qu'on trouve qu'il y a de l'exagération dans notre utilisation, alors que dans certains pays, on a vraiment... Ça a été... Un moyen d'échange extrêmement efficace. Et nous avons terminé avec Kel Assouf qui nous faisait quoi? Kel Assouf qui nous faisait Franza sur Black Ténéré de 2019. Lui est originaire de où? Voilà, je cherche d'où il arrive à son arrivée. Ah voilà, du Niger lui aussi. Du Niger. Alors il y a fondé le groupe Kel Assouf quand il est arrivé en Belgique. Kel Assouf est un groupe de Bruxelles. Puis le chanteur, donc, et le compositeur Anana Haruna, qui est un Touareg aussi, et qui chante lui aussi en tamashek, une langue dont on vient tout juste de parler. Puis c'est lui l'auteur principal, le leader du groupe. Puis c'est un groupe qui existe depuis 2006. Et ça aussi, c'était vraiment chouette. C'est ça. Puis lui, il a vraiment... il s'en vient beaucoup plus rock. Même presque métal par moment sur certaines pièces. Mais c'est pas ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais il y avait quand même des Il y avait un peu de distorsion sur cette guitare, puis un peu de puissance aussi. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour terminer maintenant? Je ne sais pas. Maki Asakawa, Carole Kim, Zelda Backcam et autre chose. ちっちゃな時から浮気なお前でいつもハラハラする、おいらはピエロさん、さよならお嫁に行っちゃうんだろう、今さら気にするのか俺を、ちっちゃな時から俺の近くにはいつもお前がいて、ヘマもやれなんだ、さよなら明日からは一人だし大丈夫、気楽にやっていくさ、ちっちゃな時からかわいいお前だ、何かあったら来な、こんな俺だけど、さよなら夕焼けが綺麗だよ、泣くなんてお前らしくもないぜ、ちっちゃな時からちっちゃな時から、ちっちゃな時から、ちっちゃな時から、 Thank you.

Et c'est tout pour les échangeurs d'air ce soir. Ça commençait par les Beatles, puis ça finissait par Black Sabbath, ce qui est relativement inhabituel. Une version de Black Sabbath, quand même, qui a été changée, qui est devenue le chien des Baskerville, des Hound von Baskerville, par le duo Cindy Hundbert, des Allemands qui... Oui, où sont-ils? Cindy Hundbert, qui s'appelait en fait Jutta Rosenberger et Norbert Berger. Avant ça, nous avons eu un groupe vietnamien, mais est vraiment excellent, Kumbakuban, qui nous faisait Ting Yo To Yet Boy, sur une compilation qui s'appelle Saigon Rock and Soul Vietnamese Classic Tracks. Et c'est un truc qui datait probablement du début des années 70, puis la compilation s'étend de 68 à 74. Avant ça, Adam and Eve, nous faisait The Witch, sur une compilation qui s'appelle The In Crowd Volume 3. Hip Shaking Grooves Made in Germany, une compilation de 67 à 74. Avant ça, une chanteuse hongroise qui est peut-être actrice aussi, c'est difficile à dire, qui nous faisait Aksak Iggy Focal Zeb Ad Ordognel sur une compilation qui s'appelle She Came From Hungary. Alors, des chanteuses de beat des années 60 du Bloc de l'Est. Et en avançant, on a eu Zelda Bagcam qui nous faisait Yelala sur l'album Zelda de 2006. Elle, c'est une turque guitariste, auteur-compositeur, chanteuse qui a des prises de position et un militantisme qui lui cause des difficultés en Turquie, mais depuis longtemps. Depuis longtemps, on a beau changer de régime, n'a pas l'air à faire l'affaire pour eux. Carole Kim nous faisait Ting Tanu Lua Don Oa sur une compilation qui s'appelle Saigon Super Sound Volume 1. Elle est pas née sous le nom de Carole Kim, mais elle a ajouté ce nom-là. Elle a joué sur les bases américaines pendant un certain temps. Tout comme Maki Azakawa, qui, une japonaise qui nous faisait Chichana Toki Kar pour commencer le bloc, notre dernier bloc, sur une compilation qui s'appelle Maki Azakawa. Et elle, vraiment intéressante, une dame qui est décédée malheureusement un peu trop jeune, mais qui faisait encore des concerts. En fait, elle est décédée, elle s'en allait faire un concert à Nagoya et elle est décédée juste avant. Puis si vous allez sur le Wikipédia, vous allez la voir avec une photo, on dirait vraiment une photo de chanteuse française avec la cigarette, l'espèce de noir, une photo qui un peu enfumée comme ça. Et c'est vraiment très bon ça aussi. Alors c'est un bloc éclectique. Voilà, nous pouvons dire qu'il passait de la Hongrie à l'Allemagne et par toutes sortes d'endroits que nous n'avons pas encore visité. Et l'agression par le son, tout à l'heure, pour vous.